cuisine, il me faudrait 2 chips sans fromage, s'il vous plaît. Et vite, ça va faire 20 secondes et il n'y a que 2 ans dans le bide. Les feuilles sont mortes, il y a plus de saisons. Mes couilles sont tournées, on dit rien d'un nom. Je suis torché au panache, j'ai perdu ma maison. Si je continue comme ça, je vais finir en zonzon. C'est pas du, c'est une façon de penser. Si t'es pas content, on va te faire un papayoté. Laisse pas de riz, c'est pas des PD. Si t'es pas content, on va te faire reculer. On sait pas d'où on vient, on sait d'où on va. On boit pas des vins ni de la vodka. On se prend tous la gueule et Coca-Cola. Wesh, wesh, représente l'espace. Yo, laisse-moi chanter, oh, mais il manque un passe. J'ai chopé un boulot de merde, de l'âme. Ça veut dire que j'ai un arc dans mon âme. Oula, t'as un arc dans le cul, toi, dis-moi. Écoute, écoute. Si ça continue, je vais faire un cocu. Ah bon? Avec Donald. Chiche. Et je vais me barrer. Ah ouais. Avec Tonton. On sait pas d'où on vient, on sait d'où on va. On boit pas de vin ni de la vodka. On se rend juste la gueule. Mec, c'est pas, si on chante, on se voit dans sa gueule. Mais je suis dans la rythme, moi j'ai la pêche. Ouais, bon, c'est pas pour une prochaine fois. Ta gueule, salope!